Cours numéro 11. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi, wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Dans notre dars précédent, walillahi alhamd, on a fini la lecture de ce chapitre, had al-fasl al-muhim, في بيان الهجرة في بيان الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمؤلف رحمه الله il a cité 9 versets pour clarifier cette hijra, pour montrer cette voie. Et on peut les résumer avant de continuer. Le premier verset, قوله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فاستفدنا de ce verset أن من الهجرة إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم c'est de revenir à son jugement. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. Si on a une divergence entre nous, al-hakam c'est al-dalil. C'est qal Allah, qal al-rasoul, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, celui qui veut suivre la voie du prophète alayhi salatu wa sallam, falabud min tahkim rasoulillahi sallallahu alayhi wa sallam inda khilaf. Et kadalik, on ne doit pas ressentir de gêne fi hada. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadhi. Et kadalik, on doit se soumettre. Ça fait partie de la voie du suivi du prophète alayhi salatu wassalam. Le deuxième verset, قوله عز وجل النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. استفدنا من هذه الآية أن النبي عليه الصلاة والسلام il passe avant tous les autres, بل il passe avant nous-mêmes. Si on veut faire une chose et un Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit cette chose, on doit suivre et appliquer l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Thumma qawluhu azza wa jal wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idha qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahum al-khiyratu min amrihim. Ça nous montre qu'on n'a pas le choix. Ce suivi, il est obligatoire pour tous les croyants et tous les croyants. Si on a un hukm, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit une chose ou il a rendu obligatoire une chose, on est obligé d'appliquer ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné. Et celui qui s'écarte de hala, fala shakannahu, il s'écarera. Faqad dhalla dhalalan mubina, à la fin du verset. Le quatrième, قوله عز وجل قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا. سبحانه استفدنا من الأوبليغاسيون d'obéir à Allah عز وجل et à son messager صلى الله عليه وسلم et كذلك أن الهداية لفي طاعة النبي عليه الصلاة والسلام وإن تطيعوه تهتدوا. Tu veux être guidé, فالسويل هذا النبي صلى الله عليه وسلم. ثم le cinquième verset, قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فسي بس استفدنا كما تقدم l'obligation d'obéir à الله سبحانه وتعالى يا son messager et كذلك d'obéir à ceux qui détiennent le commandement, les savants et les gouverneurs, lakin fi ta'atillah wa fi ta'ati rasulihi sallallahu alayhi wa sallam. Amma si c'est pour une désobéissance, fala ta'a li makhluq. Kadhalik qawluhu fa in tanaza'tum fi shay farudduhu ila Allah wa ar-rasul, fa hadha taqaddam. Ay si on diverge dans un point, on doit revenir au Coran et à la Sunna. Thumma le septième verset, قوله عز وجل ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. أي استفدنا من هذا أنه doit suivre النبي صلى الله عليه وسلم et qui contredit la parole du prophète alayhi salatu salam, ou sa voix. La yajouz lana, on n'a pas le droit de le suivre. Le huitième verset, qawluhu wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. استفدنا من هذا ان ceux qui ont délaissé et qui délaisseront la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce bas monde, ils regretteront dans l'au-delà. Va suis ce chemin, c'est le chemin du salut, c'est le chemin du bonheur. Le neuvième verset, et c'est le dernier qu'on a étudié ensemble. قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِلَى آخِرِهِ ثُمَّ قَالَ عَزَّ وَجَلَّ. On lit la fin du verset. وَقَالَتْ أُولَاهُمْ لِأُخْرَاهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ إِلَى آخِرِهِ. اسْتَفَدْنَا مِنْ هَذِهِ الْآيَاتِ أَنَّ ceux qui ont suivi et qui suivront autre que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans ce bas monde, ils regretteront, et ceux qu'ils ont suivis, leur guide, ils se désavoueront d'eux, yawm al-qiyam. Et là, chacun hada, ça rajoutera des regrets sur leurs regrets. Fa'ala kulli hal, al-hijratu ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, c'est le fait de le suivre, le fait de faire passer sa parole avant celle de tout le monde, le fait de l'aimer plus que tout le monde, le fait d'accepter son jugement, le fait de se désavouer de ceux qui le détestent et qui ne croient pas en lui, alayhi salatu wassalam, et bien sûr, ce suivi, il doit être fondé sur la sincérité. La première hijra, al-hijratu ilallah azza wa jalla. Qala al-imam ibn al-qayyim rahimahullah faslun. Hada, c'est un nouveau chapitre. Fahada hukmu al-atba' والمتبوعين المشتركين في الضلال. Aïe, dans la dernière partie du chapitre précédent, aïe, l'explication du dernier verset, Ibn al-Qayyim rahimahullah, il a cité l'aïa pour montrer حكم الأتباع والمتبوعين. الأتباع, c'est les suiveurs. المتبوعين, c'est ceux qui sont suivis, les guides. المشتركين في الضلال. Naam, ils se désavoueront les uns des autres, ils s'accuseront les uns les autres, et ils seront tous châtiés, les suiveurs et les guides. قال واما الاتباع المخالفون لمتبوعهم. Ça, c'est une autre catégorie. On peut résumer ces catégories. Ibn al-Qayyim rahimahullah, il les a citées. هنا. La première, on l'a déjà vu. Aïe, les suiveurs, ils étaient d'accord avec leur guide fi dunya. Mathalan, des kuffars qui suivent un kafir. Ils seront tous en enfer. Et ils se désavoueront les uns des autres. Ils seront en désaccord le jour du jugement. Et quand ils seront en enfer. Amma fi dunya, ils sont d'accord. Ça, c'est la première catégorie. La deuxième catégorie. Al-atba' al-mukhalifun al-imatbu'ihim. Al-adilun an-tariqatihim. Al-ladhina yaz'umun annahum taba'un lahum wa laysu muttabi'in li-tariqatihim. Fahum al-mathkurun fi qawlihi ta'ala. Cette deuxième catégorie, c'est des égarés qui ont suivi مثلا, un prophète, ou plutôt qui prétendent suivre un prophète. Ah, s'ils auraient suivi le prophète, ça ne serait pas des égarés. As-sawab, ils prétendent suivre ce prophète, مثلا, les chrétiens avec Isa. C'est un exemple wadih. Ou بعض المشركين, بعض الوثنيين qui adorent des imams. Et ils prétendent que c'est eux qui leur ont montré ou que c'est leur voix. Mohim, il y a une énorme différence entre ceux qui suivent et celui qui est suivi. Si on prend l'exemple de An-Nasara qui prétend suivre Isa, là, chaque An-Isa, c'est un prophète, c'est un messager. Allah subhanahu wa ta'ala, il l'aime, il l'a guidé, il lui a révélé un message. Alayhi as-salatu wassalam. Et là, chaque An-Nasara, c'est des mouchriko. فَلِهَذَا قَالَ وَلَيْسُ مُتَّبِعِينَ لِتَرِيقَتِهِمْ. C'est une prétention. Ça nous montre que la prétention, ça ne sert à rien. مُجَرَّدْ اِدِّعَى. Un qui prétend suivre un autre, لكن c'est qu'une prétention. وَإِلَّا il ne le suit pas dans ses fondements, dans ses principes, dans son dîme. هَذَا لَا يَنْفَى. وَلَيْسُ مُتَّبِعِينَ لِتَرِيقَتِهِمْ. Ça nous montre que le suivi, c'est d'accepter les principes et de les mettre en application et de les suivre. Amma, une prétention, une étiquette, fahada la yinfa. قال فهم المذكورون في قوله تعالى إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار مثلا البروفيت عيسى عليه الصلاة والسلام il se désavouera des Nasara des chrétiens. وهكذا أئمة الهدى من العلماء أو من الصالحين des hommes purs أو des savants qui sont adorés من دون الله عز وجل et بعض الناس ils prétendent les suivre mais ils se désavoueront d'eux يوم القيامة. قال فهؤلاء المتبوعون كانوا على الهدى المتبوعون ceux qui sont suivis مثلا عيسى عليه الصلاة والسلام وأتبعهم ادعوا أنهم على طريقتهم ومنهاجهم تأمل قوله ادعوا ils ont prétendu les suivre. Mathalan, An-Nasara, à notre époque, les chrétiens, et Kadalik avant nous, ils ont toujours prétendu que c'était les suiveurs de Isa. Alors qu'ils osent dire Hadihi al-Kalima al-Azim al-Kufriya, An-Allah Azzawajal, il a un enfant et cet enfant c'est Isa. Thumma yaqulun annahum c'est des suiveurs de Isa, alors que Isa alayhi salatu salam, il a appelé au Tawhid, il a appelé à adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul. بل بعض النصارى يقولون أن عيسى سي الله سلوي الله نعوذ بالله من الكفر قال وهم مخالفون لهم سالكون غير طريقهم يزعمون أنهم يحبونهم وأن محبتهم لهم تنفعهم مع مخالفتهم لهم tout ça c'est des prétentions يزعمون يدعون أي prétendent أنهم ils aiment ce guide, ce prophète, cet homme pieux وأن محبتهم لهم تنفعهم أي prétendent que cet amour qu'ils ont مثلا si on prend toujours l'exemple des chrétiens envers Isa ça leur sera utile بل النصارى يعتقدون أن tellement qu'ils aiment Isa فعيسى il prend la responsabilité de tous leurs péchés et هذا c'est من أبطل الباطل بل عيسى عليه الصلاة والسلام سيتبرأ منهم في الآخرة بل حتى في الدنيا quand Allah سبحانه وتعالى il décidera que Isa il redescendra sur terre à la fin des temps, fayatabarra'a min al-Nasara wa yaksar al-Salib alayhi salatu wassalam. Qala yaz'umuna annahum yuhibbunahum wa anna mahabbatahum lahum tanfa'uhum ma'a mukhalafatihim lahum fayatabarra'una minhum yawm al-qiyamah. Wa hakadha kullu mubtil sahib al-haq il se désavouera de lui même s'il prétendait l'aimer, même s'il prétendait le suivre. قال فإنهم اتخذوهم أولياء من دون الله وظنوا أن هذا الاتخاذ ينفعهم. Ils les ont pris comme أولياء من دون الله. مثلا certains ils les ont pris comme divinité من دون الله. Ils les ont adorés بباطل. Et لا شك أن adorer autre qu'Allah c'est pas utile. بل c'est très très grave. قال وهذه حال كل من اتخذ من دون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وليجة وأولياء يوالي لهم ويعادي لهم ويرضى لهم ويغضب لهم. Et ça c'est très très grave. Ce qu'on appelle التعصب أو التحزب. Le fait d'aimer et détester pour autre qu'Allah. Le fait de s'entêter à suivre واحد même si خالف أمر الله عز وجل. وكذلك يرضى لهم ويغضب لهم. Tant que tu es en accord avec ceux qu'il suit, ou celui qu'il suit, il sera d'accord, il t'acceptera. Si tu contredis son guide, celui qu'il suit, il se met en colère. هذا لا يجوز. هذا on doit l'appliquer que pour ceux qui obéissent à Allah subhanahu wa ta'ala et à son messager sallallahu alayhi wa sallam. Mais autre que Rasul alayhi sallallahu alayhi wa sallam, on ne doit pas le mettre à ce rang, à ce niveau. Et on aime et on déteste par rapport à aux positions de cet imam, ou de ce guide, ou de ce shir. هذا لا يجوز. L'imam, il y en a cet imam lui-même, ou ce shir, ou cette personne quelconque, elle-même, elle doit se soumettre. Elle-même, elle doit aimer pour Allah, détester pour Allah. Elle-même, elle doit suivre Al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam. قال فإن أعماله كلها باطلة يراها يوم القيامة حسرات عليه مع كثرتها وشدة تعبه فيها ونصبه. فنعوذ بالله. كما قال عز وجل: كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم. Ils verront tout ce qu'ils ont fait. Combien de sacrifices, combien d'épreuves ils ont subi, combien de fatigues, combien de voyages, combien d'argent ils ont dépensé. Si tu prends l'exemple des chrétiens ou des mouchrikoun, ou jamais ahl al-batil, ils font des sacrifices dans leur batil. Toutes ces œuvres qu'ils ont fait, toutes ces années, tout cet argent qui a été dépensé, ces sacrifices, ces douleurs, tout ça s'est fait batil. Rien n'est accepté. Hasaratin alihim. Hasarat, le pluriel de hasra, aïe, des regrets. Anta fi dunya, si tu fais une chose, maintenant ta'ibta fiha, t'as pris le temps de faire une chose pendant un jour, deux jours, une semaine, un mois, thumma cette chose, tadhi', cette chose tu la perds, ça te touche. Lakin dunya, tu dis qadarallah wa ma sha'a fa'al, alhamdulillah. Tu refais la même chose ou tu refais une chose de meilleure. Amma yawm al-qiyama fa ha'ula, c'est leur vie qu'ils ont gaspillée. Et ça va impliquer des choses graves. Qala azza wa jal, wa ma hum bi kharijina min an-nar. Avec ces regrets, là, toutes leurs œuvres, elles ne sont pas acceptées. Et ils ont œuvré pour rien. Hakada, ils rentreront en enfer et ils sortiront jamais. Hadihi, c'est a'zam wa hasra. Ça sera le plus grand regret. Et les regrets, ça ne servira à rien. Ben, les regrets, ça sera un châtiment pour eux. Ces regrets, ça leur fera beaucoup de mal. عياذا بالله. قال رحمه الله: إذا لم يجرد موالاته ومعاداته ومحبته وبغضه وانتصاره وإيثاره لله ورسوله. أي celui qui n'aime pas pour Allah, qui ne déteste pas pour Allah, وكذلك لا ينصر الله سبحانه وتعالى ورسوله. كذلك il ne fait pas passer Allah سبحانه وتعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام avant les autres, هذا il est à la khatar. قال فأوطل الله عز وجل ذلك العمل كله. Celui qui fait un amal qui n'est pas lillah, c'est ça le résumé. Celui qui fait une œuvre, une action, elle n'est pas sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et كذلك, si cette action c'est pour se rapprocher d'Allah, c'est une adoration, et il ne suit pas le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il fait que se fatiguer. C'est pas accepté عند الله. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. C'est مردود عليه. فما بالك celui qui fait du shirk, celui qui prétend qu'Allah subhanahu wa ta'ala il est un enfant, celui qui adore les tombes, celui qui aime et déteste pour autre qu'Allah, celui qui s'entête, عياذا بالله, هذا لا شك أن ces actions ne sont pas acceptées عند الله. قال فأبطل الله عز وجل ذلك العمل كله وقطع تلك الأسباب. Que leurs œuvres ne sont pas acceptées, bien sûr, c'est Al-Kuffar, Al-Kafra. Même si certaines de ces œuvres ne sont pas acceptées à cause d'une bid'a ou de l'ostentation, si cette œuvre n'est pas acceptée, tant que c'est un croyant, son tawhid il est accepté, là, qu'il se fera du mal. Kadhalik, ça lui fera du mal plutôt. Amma al-kafir fa'a'maluhu kulluha. Toutes ces œuvres, toutes ces actions, elles ne sont pas acceptées. قال وقطع تلك الأسباب وهي الوصل والموالة التي كانت بينهم في الدنيا لغيره كما قال عز وجل وتقطعت بهم الأسباب. قوله وتقطعت بهم الأسباب أي cette chose qui va être rompue, c'est le lien entre ce suiveur et celui qui le suivait. تقطعت بهم الأسباب. Et كذلك بينهم, entre eux. مثلا ce kafir il aimait cet autre kafir, ou il y avait un lien entre eux, et ma sharaka fi dunya, il y a une alliance, mouhim, quelque chose, tout ça, ça sera rompu. كما تقدم معنا, ils se maudiront, ils s'accuseront les uns les autres. Ça nous montre ماذا, anna ce qui reste بإذن الله عز وجل, ce qui restera, c'est al-mahabbatu fillah. C'est s'aimer pour Allah. C'est s'entraider pour Allah, azza wa jalla. Hala, ça restera. Fid dunya, ça te sera utile, cette entraide et cet amour envers tes frères. Et bien sûr, cet amour du prophète alayhi salatu wasalam, et bien sûr, l'amour d'Allah azza wa jal, tout ça t'en profitera fil dunya. Et inshallah t'en profitera fil akhira. Amma al-mahabbatu fi ghayrillah. Et suivre autre que le messager d'Allah alayhi salatu wasalam, et adorer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, tout ça, l'insan il se retrouvera seul yawm al-qiyamah. Et le kafir il se retrouvera seul, iyadan billah, fi nar, en enfer. Qala ibn al-qayyim rahimahullah. فينقطع يوم القيامة كل سبب ووصلة ووسيلة ومودة وموالاة كانت لغير الله. Tout ce qui était pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ça s'arrêtera, ça sera rompu. Ça sera d'aucune utilité. Que ça soit un suivi, que ça soit un amour, que ça soit une action, une œuvre. Si c'était pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ça s'arrêtera. Et ça sera d'aucune utilité et ça sera la cause du châtiment de cette personne. قال ولا يبقى الا السبب الواصل بين العبد وبين ربه وهو حظه من الهجره اليه والى رسوله صلى الله عليه وسلم. Ce qui restera pour l'insan yawm al-qiyamah, ça sera quoi? Ça sera les fruits de cette hijra, plutôt de ces deux hijra. Al-hijra ila Allah, ay la sincérité, wal-hijra ila rasulillah صلى الله عليه وسلم, ay le suivi du prophète alayhi salatu wasalam. C'est ces deux choses qui te resteront يوم القيامة. قال والتجريد عبادته وحده ولوازمها من الحب والبغض والعطاء والمنع والموالاة والمعاداة والتقريب والإبعاد. C'est ça qui te restera. Ces actions, ces œuvres عظيمes. Adorer Allah subhanahu wa ta'ala sincèrement seul. Aimer pour Allah, détester pour Allah. Donner pour Allah, priver pour Allah. الموالاة والمعاداة. Prendre les croyants comme alliés pour Allah, détester les kuffars et les prendre comme ennemis pour Allah, wa taqrib wal ibad, rapprocher, éloigner pour Allah. Ah, ça sera utile. قال وتجريد متابعة رسوله صلى الله عليه وسلم وترك أقوال غيره لقوله كذلك. Ce qui sera utile, vous avez remarqué que l'un il résume les deux hijras. Ce qu'on vient de réciter, la sincérité et toutes ces actions, c'est Al-Hijratu ila Allah. Le fait de délaisser les adorations d'autres qu'Allah subhanahu wa ta'ala pour adorer Allah seul. ثم قوله وتجريد متابعة رسوله صلى الله عليه وسلم وترك أقواله وترك أقوال غيره لقوله. Ça c'est Al-Hijratu ila Rasulillah alayhi salatu wasalam. Le fait de le suivre, le fait de délaisser toutes les paroles, tous les avis, toutes les positions qui contredisent la voix du prophète alayhi salatu wasalam. Ça sera utile yawm al-qiyamah. Ça prouve, ça montre que hadal 'abd, il aimait Allah azza wa jalla et il aimait son messager sallallahu alayhi wa sallam haqq al-mahabba. La preuve c'est que cet amour ça l'a poussé à adorer Allah seul et à suivre al-rasoul sallallahu alayhi wa sallam. قال وترك كل ما خالف ما جاء به والإعراض عنه وعدم الاعتداد به. نعم كذلك délaisser c'est tout ce qui contredit la voix du prophète عليه الصلاة والسلام. Mais se détourner, que ça soit une action, que ça soit une parole, que ça soit un avis. On répète si c'est un savant de la sunna et qui s'est trompé, on délaisse la parole et on aime la personne, on aime le savant. Si c'est un ennemi de la sunna et la akhira, on le délaisse lui et son avis et sa parole. قال وعدم الاعتداد به وتجريد متابعته تجريدا محضا بريئا من شوائب الالتفات الى غيره. Ça, ça nous montre qu'on a le suivi à plusieurs degrés. Enfin, celui qui veut faire partie des awliya, awliya Allah subhanahu wa ta'ala, et avoir un haut rang yawm al-qiyama, il faut que son suivi il ne soit pas mélangé avec autre chose. Shawa'ib. Comme un lait pur qui n'est mélangé avec rien. Maintenant, si tu as du lait pur dans un verre, et une poussière, elle tombe dans ce lait. Ou autre chose. Ça se voit tellement que le lait il est blanc, tu vois certaines choses au-dessus. Tu es obligé de l'épurer ce lait. Hatta tashrubu. Tout s'en fait. Hakad al-ittiba. Fais attention que dans ton suivi, il n'y a pas une part pour autre que le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sincèrement pour Allah Azza wa Jal. قال فضلا عن الشركة عن الشرك عن الشركة بينه وبين غيره فضلا عن تقديم قول غيره عليه. نعم, si on fait tout pour le suivre que lui عليه الصلاة والسلام, Fadlan kama qal, donc on doit s'écarter encore plus. Le fait de suivre un ami sallallahu alayhi wa sallam et suivre un autre, lui donner un associé dans le suivi. Hada, c'est très très grave. Al-mutaba'a sa haq li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. C'est Allah azza wa jalla qui lui a donné hadhihi al-manzila. Il l'a donné à personne d'autre. Il l'a donné à personne d'autre. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il doit être suivi. Bien sûr, les autres messagers kadhalik, qui devaient être suivis pour leur peuple. Là, on parle de notre communauté. On doit suivre que un Nabi alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a donné une chose qu'il a donné à personne d'autre, c'est que tout le monde doit le suivre. C'est pas que son peuple. C'est pas que les Arabes. Là, tout le monde, tous les humains, après la venue du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, tout le monde doit le suivre. Qala فضلا عن تقديم قول غيره عليه encore plus grave délaisser la parole du prophète عليه الصلاة والسلام et prendre la parole d'un autre. فهذا هو الاتباع. Et c'est ça le sens et les fruits de هذه الشهادة العظيمة أي أشهد أن محمدا رسول الله. On doit dire cette shahada avec notre langue, on doit être convaincu avec notre cœur et on doit mettre en application. On doit faire attention de ne pas placer quelqu'un au niveau du prophète alayhi salatu salam. On peut se poser la question comment? Comment? Il montre nous comment certains ils ont mis des personnes à la place du prophète alayhi salatu salam. Et en croyant que la parole de un tel minan nas, on doit forcément la prendre. Ah là, c'est très très grave. Ou si il y a une divergence, ils pensent forcément que tel shir, tel imam, il a raison. Ça, c'est très très grave. Voilà. Quand il y a une divergence d'Aïman, amma ahlul bid'a wal ahwa, on n'a pas à revenir à eux, on ne les prend pas en compte dans la divergence ou autre. S'ils ont la vérité, alhamdulillah, la vérité, elle est ahl sunnah, et s'ils ont faux, on les délaisse, voilà, chaque colère. Amma, s'il y a une divergence entre ça et la sunnah, notre position, au départ, c'est tel shir, il peut avoir raison, l'autre, il peut avoir raison. On parle d'une divergence entre deux shirs, maintenant. Ah oh, tel shir, il peut s'être trompé, et tel shir, peut-être qu'il s'est trompé. C'est notre position au départ. Thumma at-tarjih, c'est par rapport au suivi du prophète, alayhi salatu wasalam. Qui c'est qui a ad-dalil? Qui c'est qui a parlé bi qawlin qui concorde avec la preuve? Thumma, on accepte la vérité et on délaisse l'erreur. C'est notre position. Amma, placer un shir au niveau du prophète, alayhi salatu wasalam, tout ce qu'il dit, on doit le prendre. Tout ce qu'il rejette, on doit le rejeter. Fahada, c'est très très grave. Falnahdar. Falnahdar, limada li anna, ça fait du mal à notre shahada. Hada ta'assub, ce suivi aveugle. Et le fait d'exagérer dans le suivi de certains. Qal ibn al-Qayyim rahimahullah, fahada sabab huwa alladhi la yanqati' bi sahibi. Tu veux trouver une chose qui te sera utile. Yawm al-Qiyamah, fais des efforts dans le suivi du prophète alayhi salatu wasalam. Il y en a ce chemin que tu suis, ce voyage, ce cheminement, cette hijra, elle ne s'arrêtera pas avec ta mort. Là, bel fi qabrik, tu auras les fruits, wallah, alhamdulillah, la récompense. Man rabbuk, ma dinuk, man nabiyuk. Tout ça, c'est fondé sur ces deux hijra. Man rabbuk, c'est lié à la hijra ila Allah subhanahu wa ta'ala. Man nabiyuk, le prophète Mohammed alayhi sallam. Ma dinuk, c'est la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré. Donc c'est lié fil qabr, kadalik yawm al-qiyamah. Kadalik, notre traversée du sirat, elle sera liée à had al-sayr fi dunya. Et ce suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette hijra ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, plus l'insan il fait des efforts fi dunya, il est sincère. Et il fait tout pour suivre le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il ne s'entête pas. Il ne s'entête pas à suivre un tel pour, ayyadun billah, cet entêtement, il le fait délaisser la voix du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Voilà. Yawm al-qiyamah, incha'Allah ta'ala, sa traversée du sirat, elle sera très rapide. Par rapport à son suivi du sirat, fit dunya. Fait les deux sirats, ils sont liés. Kama taqaddam ma'ana. Tu as un sirat fit dunya, c'est cette hijra. Le suivi du prophète alayhi salatu wasalam. Ihdina sirat al-mustaqim. Wa qawluhu anna hadha sirat mustaqiman fattabi'uhu. Et tu as as-sirat fil akhirah. Fait celui qui a suivi hadha sirat fil dunya, il arrivera à traverser as-sirat yawm al-qiyamah. Et plus l'insan il a des faiblesses, plus il aura des faiblesses yawm al-qiyamah. Qala rahimahullah, fa hadha as-sabab huwa alladhi la yanqati' bi sahibihi. c'est ce sebeb qui ne sera pas rompu, que ce soit dans ta tombe ou yawm al-qiyamah. Ce sebeb est le suivi du prophète alayhi salatu wa salam, et bien sûr la sincérité. قال وهذه هي النسبة التي بين العبد وبين ربه وهي النسبة العبودية المحضة وهي آخيته التي يجول ما يجول ثم إليها مرجعه. نعم أي هكذا المؤمن أنه دائما لا sincérité et il fait des efforts pour suivre un Nabi عليه الصلاة والسلام même s'il se trompe. Même s'il a un manquement, فيتوب إلى الله سبحانه وتعالى, et il revient دائماً. Il revient دائماً إلى هذه النعمة, إلى هذا النور العظيم, أي الوحي, la révélation d'Allah سبحانه وتعالى. ثم قال نقل فؤادك حيث شئت من الهوى, ما الحب إلا للحبيب الأول, كم منزل في الأرض يألفه الفتى, وحنينه أبدا لأول منزلي. هذه الأبيات جميلة. ابن القيم les a cité pour montrer أن الإنسان revient toujours à ce qu'il aime. فقوله مثلا كم منزل في الأرض يألفه الفتى, أي tu peux aimer certains endroits, certains pays, certaines villes, certaines régions. وحنينه أبدا لأول منزلي, لكن tu es toujours attiré par ta terre d'origine. هكذا الإنسان. قال وهذه النسبة هي التي تنفع العبد. فنحن نتخمر du prophète صلى الله عليه وسلم s'il est véridique, s'il est sincère. فمmême si أحيانا الإنسان il est éprouvé par une chose ou il a des manquements, فson but c'est toujours de revenir à سنة النبي عليه الصلاة والسلام et toujours de suivre هذا الطريق العظيم et d'appliquer cette hijra. قال فلا ينفعه غيرها في الدور الثلاثة, أعني دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار, فلا قوام له ولا عيش ولا نعيم ولا فلاح إلا بهذه النسبة. كما تقدم معنا أن ce suivi, cette hijra, elle te sera utile dans les trois demeures. Dans ce bas monde, bien sûr, في البرزخ, le برزخ c'est l'étape entre le bas monde et l'au-delà, et la tombe, et دار القرار, la demeure éternelle. قال فلا قوام له ولا عيش ولا نعيم ولا فلاح إلا بهذه النسبة. Tu veux être heureux, tu veux réussir ici-bas et dans l'au-delà, tu veux profiter, tu veux réussir, accroche-toi à هذا الطريق. واحذر des obstacles, واحذر من شياطين الإنس والجن, دعاة الضلال qui essaieront de te sortir de cette ni'ma et de ce chemin. قال وهي السبب الواصل بين العبد وبين الله, ولقد أحسن القائل حيث قال. نعم قوله وهي السبب الواصل بين العبد وبين الله, فهذا الطريق العظيم. ولقد أحسن القائل حيث قال, إذا تقطع حبل الوصل بينهم فللمحبين حبل غير منقطع, وإن تصدع شمل الوصل بينهم فللمحبين شمل غير منصدع. أي هذا الطريق, هذا الحبل العظيم, cette voie, si tu l'empruntes, ولله الحمد, elle sera jamais interrompue. أي ses fruits seront toujours profitables pour toi في الدنيا والآخرة. Même si tu es accusé à tort, même si certains essayent de te faire du mal, même si certains essayent de t'éloigner, si Allah subhanahu wa ta'ala te guide, tu seras guidé. قال والمقصود أن الله سبحانه يقطع يوم القيامة الأسباب والعلق والوصلات التي كانت بين الخلق في الدنيا كلها. Tout ce qui lie les êtres humains في الدنيا, ça sera interrompu يوم القيامة. مثلا, certains se sont aimés et ils s'entraident dans certains péchés, dans le haram, dans la mécréance, dans l'innovation, etc. بعض الناس مثلا ils s'aiment et ils se fréquentent. Pourquoi? Pour faire du haram, pour boire de l'alcool, pour sortir, etc. Ce lien et cet amour et cette entraide, ça sera interrompu au jour du qiyam. Et hakada avec le bid'a, hakada avec la mécréance. قال ولا يبقى إلا السبب والوصلة التي بين العبد وبين ربه فقط. Il restera qu'un lien qui ne sera pas rompu. Ça sera هذه الوصلة كما قال. أي celui qui a suivi دين الله الحق, Celui qui s'est accroché au Coran et à la Sunna, celui qui aimait pour Allah et qui détestait pour Allah. C'est pour ça que parmi ceux qui seront sous l'ombre que Allah subhanahu wa ta'ala créera yawm al-qiyamah, tu auras plusieurs catégories de personnes. Parmi ces catégories, alladhina tahabbu fillah, ceux qui se sont aimés pour Allah subhanahu wa ta'ala et se sont séparés sur cet amour. Ils se sont connus pour Allah subhanahu wa ta'ala et ils sont morts à ala hadhihi al-mahabba. Ils seront réunis yawm al-qiyamah sous cette ombre. Ça montre que هذه الوصلة وهذه المحبة على يتأتي في الدنيا يسوسون انتخلي وهكذا يوم القيامة. قال وهو السبب العبودية المحضة التي لا وجود لها ولا تحقق إلا بتجريد متابعة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. نعم. La cause principale c'est adorer Allah سبحانه وتعالى. التوحيد. التوحيد c'est سبب النجات يوم القيامة. Personne ne sera sauvé يوم القيامة sauf ceux qui ont appliqué هذا التوحيد. La base de la religion de tous les messagers. فلهذا هنا قال إلا بتجريد متابعة الرسل. الرسل il a cité au pluriel. لأن c'est pas que pour notre communauté. هكذا la communauté de Moussa, de Isa, de Ibrahim. عليهم الصلاة والسلام. Tous ceux qui vont adorer Allah seul et qui ont suivi leur prophète, leur messager, ils seront sauvés. Et ça nous montre أن هذه العبودية المحضة أي la sincérité, الإخلاص. لا وجود لها إلا ولا تحقق إلا بتجريد متابعة الرسول. Ça nous montre أن la sincérité c'est lié au suivi du prophète عليه الصلاة والسلام. فلهذا قال إذ هذه العبودية إنما جاءت على ألسنتهم. Qui c'est qui nous a montré comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala? Qui c'est qui nous a montré la sincérité, la certitude? C'est les messagers. قال وما عرفت إلا بهم ولا سبيل إليها إلا بمتابعتهم. Pour appliquer ce tawhid, pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, on est obligé de suivre les messagers. Et pour nous, notre communauté, notre prophète Mohammed alayhi salatu wasalam. وقد قال الله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هباء منثورا. تأمل هذه الأعمال. Que ceux qui ont délaissé la sincérité, التوحيد et le suivi du prophète عليه الصلاة والسلام, هذه الأعمال العظيمة التي كانت في الدنيا, qui faisait في الدنيا, tout ça, ça sera réduit en poussière. فجعلناه هباء منثورا. Ça nous montre أن الإنسان لا يفكر في كثرة العمل فقط. Ne pense pas à faire beaucoup d'actions et en oubliant les fondations de ces actions. Tu vas bâtir sur quoi? C'est comme une maison. C'est comme une construction vidunia. Si tu n'as pas des fondements solides, tu ne travailles pas les bases, les fondements, alors tu vas construire un étage, deux étages, trois étages et tout s'effondre. Et peut-être que tu te feras du mal et tu feras du mal aux autres. Hakada notre din. Avant de construire les fondations dans notre din, c'est les deux shahada. La sincérité, qawluna la ilaha illallah, et le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qawluna muhammadun rasulullah alayhi salatu salam. Comment tu avances et tu construis petit à petit. قال فهذه الأعمال التي كانت في الدنيا على غير سنة رسله وطريقتهم ولغير وجهه يجعلها الله هباء منثورا. أي ces actions qui étaient fondées sur autre que la sincérité et le suivi des prophètes عليه الصلاة والسلام, الله سبحانه وتعالى les réduira en poussière. قال لا ينتفع منها صاحبها بشيء أصلا. Ça sera d'aucun profit pour celui qui a œuvré. Bel, ne pas comprendre que le sahib de cet amal sera neutre. Il n'a pas de hasanat et ça s'arrête là. Là, ce n'est pas profitable pour lui. Bel, ça sera très très dur pour lui. Ça lui fera beaucoup de mal. Ça lui causera beaucoup de tort. Fali hada qal wa hada min a'zam al hasarat ala al 'abd yawm al qiyamah an yara sa'yahu kulluhu dha'i'an. لم ينتفع منه بشيء. في الدنيا on essaye d'aimer de citer des exemples pour nous faciliter, لأننا نحن On a vécu certaines années et on a vécu certaines choses. Tu as de l'expérience dans certaines choses. Mais si tu travailles un mois, on prend que cet exemple pour te faciliter à comprendre, à saisir Akta. Si tu travailles un mois, du matin au soir, dans une entreprise avec un terminal, un responsable, moi, tu travailles et tu travailles pendant un mois. À la fin du mois, il te dit là. Là, là, tout ce que tu as fait, c'est pas accepté, tu n'as pas de salaire. Comment tu vas réagir? Ça va te faire du mal, dit-elle. Un mois. Un mois, l'insan, il travaille, c'est pour avoir un salaire. À la fin, il te dit là. Là, tu as mal fait et tu n'as pas de salaire. Ça va te faire beaucoup de mal alors qu'on les fait dunya. Si tu patientes et tu n'as pas le choix, s'il ne veut pas te payer, alors Obama, tu vas entreprendre certaines choses pour réclamer ton dû, tes droits. Et si tu n'arrives pas à avoir ce salaire, tu vas retravailler et tu vas très vite oublier. Le prochain salaire, tu oublieras. Laquelle ça va te faire du mal? Enfin, que dire de Haoula qui ont vécu 30, 40, 50 ans? Certains, ils font des choses, mitla al-Nasara et mitla al-Yahoud. Al-Nasara, ils font des choses. Certains, maintenant, ils sont enfermés dans des monastères, dans des couvents, ila akhir, et ils ne se mélangent avec personne. Ils ont délaissé mariage, femmes, enfants, ils ont tout délaissé. Et ils pensent qu'ils sont à la haqq. Et ils s'entraident, ils dépensent leur argent, et comme une table. Haoula, s'ils font pas tawba, ils meurent à la hadal hal. Allah Azza wa Jal qal, wa qadimna ila ma amilu min amalin. Faj'alnahu haba'an manthura. Pourquoi? Léanna, ils ont cru que Allah il avait un fils. Ashraku billah. Ils ont associé à Allah subhanahu wa ta'ala une créature. Ils ont prétendu qu'il avait une compagne. Ils ont prétendu que Isa c'était son fils ou que Isa c'était Allah. قال عز وجل إن أشركت لا يحبطن عملك. Chaque mouchrik qui mourra à shirkihi al-akbar, toutes ses œuvres elles sont annulées. Même s'il espérait le bien, même s'il ne faisait pas de mal aux gens, même s'il aidait les gens. لماذا لأنه وقع في أعظم ناقض l'annulatif le plus grave de la foi c'est الشرك c'est de donner à Allah subhanahu wa ta'ala des associés قال وهو أحوج ما كان العامل إلى عمله وقد سعد أهل السعي النافع بسعيهم نعم alors que هذا الإنسان يوم القيامة il aura besoin de certaines choses pour le sauver et c'est quoi les choses qui sauveront l'être humain يوم القيامة Bien sûr, après la rahma d'Allah Azza wa Jal, c'est les œuvres. C'est les œuvres de l'insan. La seule chose qui peut sauver, elle disparaît, il ne l'a plus. Qu'est-ce qui lui reste? Il ne lui reste que le nar. Il ne lui reste que l'enfer. Al-ulama, ikhtalafu fi qawlihi faj'alnahu haba'an manthura. C'est quoi al-haba'an manthur? Al-imam Nukathir, rahimahullah, il a cité plusieurs aqwal. Certains, ils ont dit, c'est. Mitl Ali radiallahu anhu, ils ont dit c'est Shu'ab al-Shams. Ida dakhala fi al-Kawwatu. Al-Kawwatu, c'est imma une fenêtre. Imma hiyanan, vous avez remarqué, des fois il y a un mur, et quand il y a du soleil, il y a un mur et il y a un trou ou une fissure dans le mur. Et tu vois un rayon de soleil qui rentre dans la pièce où tu es assis. Et dans ce rayon de soleil, tu vois de la poussière. Ali رضي الله عنه وغيره et c'est قول كثير من الأهل العلم ils ont dit c'est ça الهباء المنثور essaye d'attraper quelque chose tu pourras rien attraper et c'est des petites particules et en fait c'est d'aucune utilité même tu veux attraper quelque chose tu ne peux rien leur amal il deviendra comme ça بعضهم ils ont fait des salats بعضهم ils ont aidé des pauvres بعضهم ils ont aidé des orphelins بعضهم ils se sont enfermés dans des endroits pour adorer ils se sont pas mariés tout ça soi-disant pour leur religion ils trouveront que cela. Et rien du tout. Alors, ils ont dit, c'est comme de l'eau qui est versée. Hada, c'est un qawl, Ali ibn Abbas, radiyallahu anhu. Alors, Wa'adhum, qawl ya'la, ibn Ubayd, qala, al-haba huwa al-ramad. C'est comme des cendres. Des cendres. Tu brûles quelque chose, hatta ça devient des cendres. Essaye d'attraper cette chose. C'est rien du tout, ça devient de la poussière. Al-imam Nukathir, rahimahullah, après avoir cité tous ces aqwal, dans son tafsir, Rahmatullah alayhi, قال وحاصل هذه الأقوال التنبيه على مضمون الآية وذلك أنهم عملوا أعمالا يعتقدوا أنها شيء، فلما عرضت على الملك الحكيم العدل الذي لا يجور ولا يظلم أحد إذا إنها لا شيء بالكلية. Qu'on dise que c'est comme des cendres, qu'on dise que c'est comme la poussière qu'on voit dans les rayons du soleil ou autre, ou de l'eau versée ou autre, à la kulliha, tous ces akwali ne se contredisent pas et ça montre que leurs œuvres, leurs actions, elles seront réduites en poussière. Ça sera du néant, ça sera d'aucune utilité. C'est pour ça que les ulama ils ont expliqué al-haba al-manthur, une chose qui n'est pas profitable. Maintenant, de l'eau qui est versée, qu'est-ce que tu vas faire avec l'eau? Elle est versée, khalas. Le sol, il l'absorbe. Tu ne peux plus profiter de cette eau. Ou de la poussière, ou des cendres. Qala rahimahullah, alladhi la yaqdir minhu sahibuhu ala shay'in bil kulliyah, kama qala Allah ta'ala. Thumma il a cité un autre verset azim. Ta'ammalu qala azza wa jal, مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على الشيء ذلك هو الضلال البعيد. Dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala قال مثل الذين كفروا بربهم. أي ceux qui n'ont pas fait cette hijra إلى الله, n'ont pas adoré Allah subhanahu wa ta'ala seul, et cette hijra إلى رسول الله, ils n'ont pas cru en lui, ils ne l'ont pas suivi, أي الكفار, أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. تأمل ce exemple. أعمالهم leurs œuvres, ça sera comme des cendres romains, اشتدت به الريح في يوم عاصف. Un jour où il y a énormément de vent, il y a une tempête, et tu poses une cendre, qu'est-ce que ça va donner? Ces cendres, ça va s'envoler et خلاص, هكذا leurs œuvres. Leurs œuvres, leurs actions, ça sera d'aucune utilité pour eux يوم القيامة. لا يقدرون مما كسبوا على شيء. Et ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont œuvré toutes ces années, ça sera d'aucune utilité. Aucun profit pour eux يوم القيامة. قال عز وجل على شيء ذلك هو الضلال البعيد. C'est ça l'égarement évident. الضلال البعيد, ils se sont égarés très très loin. تأمل أنت شخص. Et هؤلاء الكفار, ils prétendent أنهم, c'est eux qui savent, c'est eux qui connaissent, c'est eux qui connaissent ce qui est profitable, ce qui est nuisible, etc. Toute leur vie, elle est fidaya. Toute leur vie, qu'est-ce qu'ils profitent? Ils mangent, ils dorment comme tout le monde. Et au moment du qiyama, ils regretteront. Nas'alou Allah subhanahu wa ta'ala thabat. Kadalik, il a cité qawluhu azza wa jal. Walladhina kafaru. A'maluhum kasarabin biqi'ah. Yahsabuhu dham'an ma'an hatta idha ja'ahu lam yajidhu shay'a. Un autre mythal azim. A'mal al-kuffar yawm al-qiyama. C'est comme هذا المثال. الذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة. كسراب بقيعة, c'est comme un mirage. لأن أحيانا الإنسان tellement qu'il fait chaud, مثلا dans un désert, tellement qu'il fait chaud, كأنه il voit de l'eau. Et في الحقيقة, c'est rien du tout. تخيلات, tellement qu'il fait chaud. فلهذا قال عز وجل يحسبه الظمآن. الظمآن, c'est العطشان, celui qui a soif. ماء, il pense qu'il y a de l'eau. حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. Lakin, dès qu'il s'approche, il trouve qu'il n'y a pas d'eau. Est-ce qu'il profite de cette chose? Il ne profite en rien, il a toujours soif, il souffre. Hakadha al-kafir. Leurs œuvres, ça sera comme un mirage يوم القيامة. Wa nas'alu Allah subhanahu wa ta'ala al-thabat wa al-tawfiq. Fahala, c'est un fasl jamil. Et le cours prochain, incha'Allah ta'ala, on continuera le prochain fasl qui est très très bénéfique. Inch'Allah.